Salut à tous chers auditeurs de Canal B sur antenne du 94 MHz ou en streaming sur internet. D'ailleurs, il y a maintenant un Mixcloud et un blog pour l'asile le plus sûr, asile35.blogspot.fr. Salut Phil. Salut Phil, ça va? Oui, et ah ouais, toi? Ça se modernise Canal B. Carrément, bah, et l'asile qui vient de fêter ses 10 ans, a même un blog, tu te rends compte? Incroyable. Donc cette semaine avec nous Hiruskin, le retour donc sur ce créneau, voilà, ça c'est depuis le printemps dernier à peu près que t'étais pas... C'était en mai je crois, juste début mai ou un truc comme ça. Ouais, t'étais passé quasiment coup sur coup dans l'asile et aussi dans Frisson. Ouais. Et donc Phil Hiruskin qui officiait à cette même place pendant quasi 20 ans. 18 très exactement, avec la peau des héros, je dis ça pour les jeunes auditeurs de Canal B. Donc on va faire un ping-pong comme on en fait de temps à autre, donc sur des musiques un peu communes, hein, on écoute pas mal de choses en commun, donc plutôt des musiques électroniques. Hein. Voilà, ça va être pas mal des musiques électroniques, mais aussi quelques petits trucs, voire j'ai même un truc acoustique, voilà. Oui, écoute, on démarre avec une séquence plutôt rock par contre, histoire de faire bonne mesure, et un groupe qui était passé au Café La Bascule à deux reprises. Il s'agit de Kouma, qui est un groupe lyonnais, en fait un trio sax bariton, guitare bariton, batterie, dans une optique plutôt zouesque, assez proche aussi de Lightning Bolt. Et Kouma donc doit sortir un album, leur premier album long, en début, je crois que c'est au printemps plutôt, ça va sortir au mois d'avril sur Carton Records et Grolectif. Il y a d'ailleurs une souscription en ligne sur la plateforme de financement collaboratif Kiss Kiss Bang Bang de cet album Brazilian Blowout qui doit sortir donc au mois d'avril. Il y a deux titres qui traînent déjà sur internet et je vous passe ça pour faire une sorte de petit hommage. Donc au Café La Bascule. Café La Bascule qui va fermer donc dans quelques jours. Ce sera la semaine prochaine, la semaine des trans, avec une, un week-end de 3 jours les 5, 6, 7 décembre pour clôturer ce lieu assez mythique pour les musiques bien barrées de Rennes. Donc du côté du boulevard de Verdun. Donc il y aura une soirée le jeudi 5 avec Enablers et Moller Playset qui sera proposée par l'association Cafioul, et deux soirées, deux concerts les vendredi 6 et samedi 7 décembre avec pas mal de musiciens qui ont gravité autour de La Bascule pendant ces 5 dernières années. Bon, on n'a pas le casting encore entier. J'ai eu la confirmation ce soir par Gilles d'ailleurs de La Bascule de la venue de Thomas Gouban avec un saxophoniste de Nantes, donc puis pas mal d'autres choses. Je crois que tu joueras d'ailleurs le samedi, Phil. Oui, a priori, un petit set sans doute assez noise. Voilà, donc pas mal de choses. On en reparlera la semaine prochaine. Tu auras plus de détails la semaine prochaine, probablement. Voilà, tout à fait. On démarre donc avec Kouma, cette sélection de la semaine. Et donc le titre Brazilian Blowout. We'll be right back. l'instant, pour démarrer l'asile, une séquence de free rock qui envoyait du bois avec tout d'abord Kuma et un extrait de leur disque Avenir qui va sortir début 2014 sous le titre Brazilian Blowout. Donc trio sax, guitare, batterie. Ça a été d'ailleurs enregistré dans une cave à vin du Beaujolais et mixé par... Nouveau ou pas? Sans doute assez nouveau, ouais. Et mixé par Mr. Wharton Tears, s'il vous plaît, collaborateur de Sonic Youth, Glenn Branca et autres Unsane. Donc ça devrait être plutôt pas mal. Vous pouvez d'ores et déjà faire une souscription sur la plateforme KissKissBankBank avec la possibilité d'avoir la version vinyle, le CD, le t-shirt, des dédicaces et pas mal de poèmes d'amour de Kuma qui était enchaîné avec Zevius. Zevius que je vous ai déjà proposé il y a de ça 15 jours et leur album Passing Through the Wall qui est un trio de New York qui existe depuis une demi-douzaine d'années et qui publie son troisième album sur Cuneiform, donc du free rock brut de décoffrage dans la lignée du rock downtown de New York. Je pense notamment à Elliot Sharp, Friss, aussi Ron Anderson de Pack ou encore Nick Ditkowski de Dr. Nerve. Et je te passe la parole. Ouais, on avait l'impression d'être presque dans l'émission de nos amis de Cafioul, là, non ? C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu ça. Là, moi, je vais vous emmener au Brésil directement, à Salvador de Bahia, tout en haut dans le nord du Brésil, avec un Allemand, avec Oval, alias Marcus Pop, qui a fait une résidence, je crois que c'était en 2012, il a fait une résidence au Brésil, où il a enregistré beaucoup, beaucoup de sons avec des musiciens, des chanteurs, des chanteuses brésiliennes. Et donc il en est à son deuxième album issu de ces sessions. Un premier était sorti en début d'année, s'appelle Kalidostopia ou un truc comme ça. Ouais. Et puis il y en a un espèce d'additif là qui est sorti tout récemment qui s'appelle Voa, qui est plutôt pas mal du tout. Donc on retrouve les sons, les guitares, parce qu'en fait il joue pas mal de guitares, mais non, Marcus Pop, les guitares, les petits glitcheries de Marcus Pop, alliés à un chant brésilien, quoi, presque samba et compagnie. Ça fait penser un peu à certains travaux d'Arthur Lindsay en plus minimaliste au niveau de la musique. Et je vous propose un titre avec une chanteuse justement brésilienne, mais avec un nom japonais. Mais il y a pas mal de japonais qui vivent en téléchargement libre d'ailleurs. Non. Le premier était sorti on pouvait le télécharger librement, voilà. Mais celui-là, non, il est. Je crois que c'est 14 euros parce qu'en fait, c'est disponible pour l'instant que sur le Bandcamp de Oval. Donc je vous propose le titre Emocore avec une certaine Anna Kobayashi qui, malgré son nom, est bien brésilienne. Il y a beaucoup de Brésiliens qui ont émigré de Japonais qui ont émigré au Brésil dans les années, je ne sais pas, non, je ne pense pas du tout, mais bon, c'était une période, je crois que c'est vers les années 30, trucs comme ça, il y a pas mal de Japonais et donc on voit beaucoup de gens d'origine japonaise aussi au Brésil, donc Oval dans l'Asile le plus sûr. On pourrait presque être à la bascule, là, non ? Ah, carrément, ouais. Carrément. Donc, avec une petite session de deux titres. Tout d'abord, Oval, donc cet album Voix, sorti tout récemment, avec plein d'artistes, des chanteurs, des chanteuses, mais aussi d'autres musiciens brésiliens. À mon avis, le Voix, il est presque mieux que le Kaleidoscopia qui était sorti en début d'année. Qui était pas mal, mais effectivement, à l'écoute de... J'ai pas écouté le reste, mais celui-ci. J'ai franchement plus accroché sur ce deuxième là que sur le premier. Juste à suivre, c'était plutôt là, un petit peu électronique, jazz, musique improvisée, avec un trio composé de Si Spencer Yeh, donc lui il est américain, et de Cincinnati, de Okyun Lee. Elle joue du violoncelle et elle vient de Corée, et puis de Lasse Markaug qui lui vient de Norvège et qui fait plutôt dans la noise, dans les trucs bizarroïdes, enfin bon quoi, des gens qui sont vraiment dans les musiques improvisées, des trucs assez brutistes souvent. Là, le disque n'est pas forcément très brutiste, plutôt assez acoustique justement, avec ce violoncelle et ce violon, le violon de Si Spencer Yeh. Ça s'appelle Wake Up Handsome et ça va nous ramener aussi un petit peu à la musique électronique, même si l'album n'est pas du tout, n'est très peu électronique finalement, parce que c'est produit par un certain Daniel Lopatin, oui, qui n'est autre que One of Freaks Point Never, que tu as dû passer un certain nombre de fois ici, soit sous cet alias-là, soit sous d'autres alias, et ça sort sur le label justement de Lopatine, et de Lopatine, excuse-moi, sur le label Software Records. C'est assez voilà. Étonnant. Et c'est pas mal, c'est vraiment un bon disque comme ça, tout est dans cette atmosphère-là, il y a des trucs un peu plus noise, un peu plus barré encore, évidemment, vu les gens qui composent ce trio, mais ça vaut le petit coup d'oreille. Ok, bah écoute, on enchaîne avec un disque qu'on se proposait de passer, toi comme moi, on avait la même sélection pour cette semaine, à savoir le projet M-Plex et le disque Your Crate Has Changed sur Mordant Music, qui vient tout juste de paraître, qui est M-Plex, qui est la rencontre entre deux enfants terribles des musiques électroniques post-industrielles britanniques, à savoir Ecoplex, de son vrai nom, monsieur Nick Edwards, qui est actif depuis la fin des années 80 sous un certain nombre d'alias. On avait d'ailleurs entendu un disque sur Imego l'an dernier sous son propre nom. Et Yann X alias Baron Mordante ou encore Mordante Music. Donc ils ont produit ensemble un opus de spoken words dans la grande tradition britannique. On pense beaucoup à Coil ou aussi au BBC Radiophonic Workshop pour ce disque qui est assez uniforme et assez sur la même teneur. Enfin, il bouge pas trop du début à la fin, mais c'est plutôt pas mal. Il y a un autre disque de M-Plex aussi sur Mordant Music, un EP en fait qui est sorti aussi en parallèle. Mais là, on écoute le Your Crate Has Changed par M-Plex. The noise level goes up every half an hour, equal to the Hoxit bike. Each one a powder keg primed, huddled around a cocaine system like rolled up 250-pound turds, snorting each other's scaffold memoirs. ECT days. Tethered to my hotspot. Tethered to my hotspot. Lonely rich women are seeking 40 plus men for root canal romances. This pub, this point, this band was an error. This pub, this point, this band was an error. This pub, this point, this band was an error. This pub, this point, this band was an error. Find my video. Hostile takeaway. Mike's mine. Will self correcting me on the pronunciation of the Kowski over a jug point at a book signing in Waterstone, Northampton. Shine on, you crater. Faded links left are open. Faded links left are open. Open. Open. Open. ECT days. Tethered to my hotspot. A sad old cunt with a binary trophy. Left palindrome. Hardy tree knockback. Back, back, back. One diamond. This pub, this pint, this band was an error. This pub, this pint, this band was an error. ECT days. Tethered to my hotspot. Tethered to my hotspot. Tethered to my hotspot. The noise level goes up every half an hour. Each list of options buys. Each one a powder keg crime. Huddled around a cocaine system, I roll up to 150 pounds hurt, smiling each other's scaffold memoirs. Tethered to my hotspot. Tethered to my hotspot. Ball drop due to Lansing Bagnall thoroughfare distortion. There are grockles in your town. Grockles in your town. Grockles in your town. Well, well intentioned, badly realised, poorly executed, synth ads. Covered band torment, fifth hand emotive wrangling through a fisheye macro penis. I like gun sandwiches. the fall last year. We were so defiant. We disappeared. Nobody knew where we were. But there were rumors. People always want to talk about something that takes them outside of their own lives. I guess even in her absence, we were bigger than most people are, living full throttle. We went west, or was it south? Southwest, the desert, wide open, empty space, because we felt empty, and we needed to refuel, to go someplace where the absence of life, and the absence of death as well. Everything was allowed. Everything was ours. And people continued to talk, tell their tall tales, make things up, curious as to what actually happened out there. That if you don't admit, if you omit, if you refuse the necessary details, if you deny everything, well, their blame doesn't mean anything, does it? There was no blood on our hands. There were no bruises. There were no bodies left in the dust. Even our shadows disappeared. Ça faisait un peu peur quand même, Phil. Ah oui, c'est... En plus, comme elle est toute vieille maintenant, la dame qui tchatchait là, sur le dernier morceau, elle est plutôt affreuse actuellement. Je tu penses qu'elle fait un peu vieille sorcière Ouais, un peu, ouais. Ouais, de faire peur aux enfants. Lydia Lunch, donc, pour ceux qui l'auront reconnu, en compagnie de deux Autrichiennes, donc Mia Zabelka, qui fait du violon électronique, et Zara Mani, également électroacousticienne austro-croate. Voilà, donc c'est une parution du label polonais Monotype, ça s'intitule Medusa's Bed. Je crois que Mia Zabelka d'ailleurs s'était fendue aussi d'un disque solo sur Monotype, qui est un label qui s'est pas mal énervé ces derniers temps, comme on regardait aussi hors antenne avec Phil, une demi-douzaine, enfin... une bonne douzaine de disques depuis le début de l'année 2013, c'est pas mal quand depuis même. Depuis la rentrée, ils ont à peu près 2-3 disques par mois aussi, donc c'est plutôt une grosse production. Juste avant, il s'agissait de Monsieur Robert Beatty avec son Soundtracks for Takeshi Murata. Robert Beatty qui s'est fait connaître dans le combo Air Police et qui a aussi d'ailleurs participé à Burning Starcore, le projet de Si Spencer Ye. Ouais, voilà, donc depuis quelques années, il s'illustre aussi dans les arts visuels numériques. Il conçoit pas mal de pochettes de disques. D'ailleurs, c'est lui qui a aussi fait la pochette du dernier album de When No Tricks Point Never. Comme quoi, tout se recoupe. Tout se recoupe, en fait. Hein. Voilà, donc, et donc il illustre la musique de Monsieur Takeshi Murata, qui est aussi quelqu'un qui fait donc de la vidéo numérique et des choses qui sont visibles sur Internet. Ce disque qui est sorti sur le label de Monsieur Jason Leskalit, Glistening Examples, c'est plutôt pas mal et c'est nettement plus intéressant d'ailleurs que son projet Three Laced Race, qui était sorti l'an dernier sur Spectrum Spool, qui avait un côté un peu plus ambiante, électroacoustique. Cela, c'est un peu plus noise et électroacoustique aussi, mais plutôt réussi. Et juste avant, donc, il s'agissait de Mplex et le Your Crate Has Changed, donc l'un des deux disques sortis par monsieur Nick Edwards en compagnie de Yann X alias Mordante Musique, l'autre étant un mini-album également paru sur Mordante avec une longue pièce de live. Mais celui-ci est nettement plus intéressant, très spoken words, comme on a pu s'en rendre compte. Je te laisse la parole. Bah, on va continuer un petit peu dans une lignée avec des gens qui manient beaucoup les mots, même si sur le morceau que je vais vous proposer, pas du tout, j'aime bien les contre-pieds comme ça. C'est AGF, bah, ça, c'est, en fait, ça va être une série de gens que j'ai beaucoup soutenus dans La Peau des Héros. C'est vrai. Donc AGF pour démarrer. AGF, c'est une compagnie d'assurance, bien sûr, mais c'est aussi une chanteuse, enfin musicienne, Antti Greyfuchs, plus connu sous le nom de AGF. Et donc c'est une nana qui vit à Berlin. J'ai appris récemment en fait qu'elle n'était pas du tout, je pensais qu'elle était allemande, mais pas du tout, en fait elle vient de Finlande. Et donc elle vient de sortir un disque récemment qui s'appelle Kuuntelos, qui est une espèce d'hommage à la poésie faite en Finlande. Donc elle réutilise pas mal de choses avec sa manière à elle, c'est-à-dire de tout redécouper, de tout digitaliser, enfin bon, c'est assez glitch comme musique. Et donc sa poésie, enfin la poésie, quand elle reste la poésie, c'est un peu comme ça aussi. Donc dommage à des poètes finnois qu'elle aime beaucoup. Il y a pas mal d'invités sur ce disque. Ça faisait un petit moment que j'avais pas accroché à un disque d'AGF. Bon, je les écoutais, je trouvais ça pas mal, mais bon voilà, j'y restais pas trop. Mais celui-là, franchement, il vaut vraiment le... Je confirme, Il vaut vraiment le coup. Donc Kuuntelos, sorti sous son propre label AGF Productions. Je vous propose un morceau qui est instrumental. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a vraiment un ou deux. D'habitude, la plupart c'est vraiment chanté. Juste à noter d'ailleurs la participation de chanteuses finnoises qu'on défend beaucoup dans l'asile le plus sûr, à savoir Lono et Islaya, qui sont des super chanteuses dans l'acide folk psyché un peu barré, qui participent à cet album d'AGF. Il y a vraiment toute une pléthore d'invités là-dessus. Donc à écouter Kuuntel sur AGF Productions. Je vous propose le titre Fort Toffe avec un traitement du son vraiment remarquable. We'll be right back. Il y a de la basse, non ? Un peu, oui. Tout d'abord, donc AGF, Anti-Grey of Fuchs, son nouvel album Kuhn Telosch avec le titre For Toflosch. Donc c'était un hommage à Tove Jensen, un artiste des années 60 en Finlande qui n'est pas vraiment arrivé par ici. Enfin, moi je ne connais pas personnellement. Juste à suivre, les anciens auditeurs de la peau d'Héro ont sans doute reconnu Ryoji Ikeda, un artiste que j'ai beaucoup passé quand cette émission existait. C'est son nouvel opus Super Codex, c'est sorti sur Rasternoton tout récemment, le 18 novembre, donc vous voyez c'est du tout frais. Et donc c'est en fait le troisième opus d'une trilogie qui a démarré en 2005 avec Dataplex, puis en 2008 avec Test Pattern, et donc 2013 Super Codex. C'est pas marqué dessus comme le précédent que ça pouvait niquer les enceintes, mais... Mais c'est un peu le cas. Mais ça peut être un peu le cas, c'est-à-dire qu'en fait si vous avez des bonnes enceintes, c'est vraiment de la musique qui est hyper impressionnante. Si à écouter fort, le cycle entier, je pense que t'es sourd. Non, t'es pas vraiment sourd, mais voilà, t'as fait un bon test pour tes enceintes, quoi. Parce que la musique de Ryoji Ikeda se caractérise par un gros travail sur les fréquences, avec surtout des sons qui sont vraiment des fréquences basses, voire très très basses, et puis des fréquences très aiguës, pas grand chose en médium entre les deux. Et bon, par contre, c'est un choc sonore, on va dire. Et c'est dansant. Voilà. Oh oui, ça passe assez bien dans un set. Pour un set de house, bien sûr, mais. Oui. Mais ça passe assez bien dans une soirée un petit peu dansante. On va continuer avec des trucs qui passent aussi assez bien dans des soirées dansantes, puisque c'est un peu ma marotte du moment. C'est le retour de la musique électronique via la techno, c'est-à-dire un mélange entre les sons. Pas la musique électronique, mais la musique industrielle, je voulais dire. Donc un mélange entre les sons des musiques industrielles, telles qu'on pouvait les entendre, je sais pas, depuis très très longtemps. Et puis, retour de la techno, un peu de mélange avec des gens comme on a déjà passé ici, Vatican Shadow, mais il y a aussi des gens comme Violet Shaped, Violet Poison, enfin bon, il y en a plein. C'est un peu le truc qui tourne bien en ce moment, avec des choses assez fascinantes. Ça change de l'ambiance un peu gnangnan qu'on a aussi parfois en musique électronique actuellement, enfin dans les revivals. Dans les trucs ambiants, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui sort du lot. On a l'impression d'avoir déjà un peu tout entendu. Voilà. Tandis que là, ça renouvelle parce que c'est enfin une espèce de crossover qui fait qu'on a l'impression d'entendre quelque chose qui est relativement nouveau, même si ça reprend un peu des trucs qu'on pouvait entendre sur. Zen et tout ça il y a quelques années, mais le traitement du son est pas pareil. Il y a un son qui est beaucoup plus avec beaucoup plus de basse, beaucoup plus d'ampleur, et ce qui fait que c'est assez intéressant. Je vais vous proposer trois titres enchaînés, Shifted pour commencer, avec Under a Single Banner. trois morceaux dans une lignée techno, entre industriel, dark ambiante, truc un petit peu expérimental. On peut dire que Hiroskin a repris les manettes de l'asile le plus sûr. Avec, pour démarrer la série, c'était Shifted, une petite découverte, j'ai trouvé ça récemment. Un album qui s'appelle Under a Single Banner, c'est sorti sur le label Bed of Nail. Alors c'est pas le label de Dominique Farno alias Vatican Shadow, mais apparemment il est plus ou moins directeur artistique dans ce label, même s'il manage visiblement pas le truc. Son label à lui c'est Hospital Production, qu'on écoutait justement, juste ensuite avec le dernier album en date de Vatican Shadow, Remember Your Black Day, un très bon album encore de Vatican Shadow, avec le titre Enter Paradise, avec cette espèce de guitare qui faisait penser un petit peu au travail qu'il avait pu faire sous le pseudo de Prurient, par exemple le dernier disque qu'il avait fait avec J.K. Flesh, Justin Broadwick. Ouais. Et bon, plutôt un bon morceau. L'album est plutôt très bien dans l'ensemble. Ça s'écoute, c'est une espèce de techno assez lente en fait, ça tourne je sais pas autour de 100 BPM, enfin c'est vraiment assez lent, mais c'est plutôt pas mal. Et pour conclure la série, c'était Violet Shepid, c'est un artiste italien mais je crois qu'il vit à Berlin depuis un petit moment. Ça s'appelait Black Wisdom White Witch et c'est extrait d'une compilation sortie sur un label français dont c'est la première sortie. Cette compilation s'appelle The Black Ideal, le label en lui-même c'est Unknown Precept. Là-dessus, vous trouverez des gens dans ce style de musique, techno-indus, un petit peu dark ambiante. Vous allez retrouver en chaîne méthode Zvrevka, Violet Shepid, Shifted, qu'on écoutait juste au début aussi, et puis d'autres artistes comme ça. Je ne sais pas si comme c'est leur toute première sortie, c'est leur seule sortie à ce jour, je ne sais pas s'ils vont continuer dans ce style-là, mais en tous les cas, la compilation est vraiment très réussie dans le genre. 33 tours ou... Non, c'est une sortie FLAC uniquement. D'accord. C'est une sortie uniquement numérique. Donc, ouais. Numérique ouais, pour l'instant. Peut-être que ça va sortir après en vinyle ou compagnie, mais pour l'instant, non. Je vérifie quand même. Si c'est sorti en vinyle, j'ai dit des bêtises. Non, c'est aussi sorti. C'est aussi sorti en vinyle. Par contre, je ne sais pas où ça se trouve. Voilà, à part commander directement, peut-être au label ou un truc comme ça. Ok, on enchaîne avec une autre série à toi ou Comme tu veux, si t'es prêt, moi je suis prêt, moi aussi. Écoute, à toi l'honneur. Alors, donc on va rester dans le même genre avec des artistes que j'ai déjà passé ici dans les quelques fois où je suis venu. C'est MT7, c'est un duo qui nous vient de Bristol, qui ont été affiliés, même s'il n'y avait pas grand-chose à voir, un petit peu à la scène dubstep, mais c'était du dubstep vraiment bizarre en fait. C'est-à-dire qu'ils utilisent certains ingrédients de la basse musique, notamment le traitement des basses, mais pour en faire complètement autre chose. Ici, on est dans une musique assez expérimentale. C'est leur quatrième album qui est sorti cette année. Il est sorti sur Raster Notone après un maxi qu'ils avaient fait dans la série Unum, machin truc là. C'est un album assez dur, assez âpre, avec des sons assez étonnant. Enfin, il s'appelle Récure. Récure, ouais. Il récure pas. Ça récure pas mal. C'est âpre, mais voilà, quoi. Il y a du grain, il y a des idées. Voilà. Il y a un autre mec qui fait un peu des trucs dans le même genre que je voulais passer, mais que j'aurais pas le temps de passer. C'est Rolly Porter. On va se contenter pour cette fois-ci de MT7, donc l'album Récure sorti sur Raster Notone. Je vous propose le titre Fragment. We'll be right back. We'll be right back. Vous écoutez l'Asile de Plus Sûr sur Canal B 94 MHz. Vous avez pu entendre deux titres plutôt abrasifs, avec tout d'abord MT7 Fragment, extrait de l'album Recure, sorti tout récemment sur le label de Berlin, Rasternauton. À suivre, c'était Perk. Perk, c'est un DJ qui fait de la techno un peu XP, enfin, c'est plutôt pas mal ce qu'il fait. Et là, il a réinterprété des très vieux morceaux d'Einstürzende Neubauten, puisque ça, c'était des morceaux qui étaient sortis sur une cassette en 1982. C'est incunable. Donc sur une petite cassette en 1982, c'est des morceaux qui étaient sans doute pas aboutis, parce que la plupart ont donné après, enfin, donc ils s'appellent tous quelque chose dub en fait. Par exemple, celui qu'on vous proposait là, c'était la version de Perk d'un titre qui s'appelait Riviera Dub. Et un certain nombre de ces titres là ont donné après des morceaux qu'on retrouvait sur les premiers albums de Neubauten. Et donc Perk l'a retravaillé, ces morceaux, pour en faire sa petite version à lui, un maxi vinyle 4 titres. Je pense que celui-là soit le meilleur morceau. Oui, c'est un peu rugueux aussi qui est là, on va dire. Ouais. Et c'est pas forcément très abouti. Ouais. C'est pas très abouti non plus, je trouve. Mais j'aime bien ce morceau. Mais voilà, les autres sont un peu dispensables. Ah oui, et c'était le côté Einstürzende Button qui était ici assez intéressant. Pour la nostalgie. On continue avec ton truc acoustique. Ah oui, j'écoute pas que des trucs qui font boum boum boum et du bruit. Donc je voulais passer aussi un truc que j'ai repéré, une sortie sur Sub Rosa. Ça devait être en, je sais pas, septembre, octobre, un truc comme ça. C'est un artiste d'origine coréen, je sais pas s'il est coréen ou d'origine coréen, qui fait de la musique de cours coréenne, voilà. Sud-coréen. Sud-coréen, sans doute, hein, oui. Enfin bon, donc c'est un musicien, on va dire, classique au sens coréen du terme. Donc, il s'appelle Baudouin Dejar. Le label belge Sub Rosa a eu la très bonne idée de sortir une compilation de pas mal de trucs qu'il avait fait. Alors, ça va changer de tout au tout par rapport à ce qu'on écoutait, parce que lui, il utilise des instruments assez spécifiques qui ressemblent un peu au koto japonais, enfin des trucs comme ça. Je sais pas exactement comment s'appelle le nom des instruments. Le double CD qui est sorti, c'est Sub Rosa, s'appelle Gaiageum Sanjo, et je vous propose le morceau Song 1, chant 1, ça veut dire. Et c'est extrait d'une pièce qui s'appelle Le Théâtre des Sons, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on écoutait auparavant. Thank you. Et voilà donc une petite séquence pour terminer l'émission L'Asile le plus sûr de cette semaine. Évidemment, séquence en hommage au compositeur électroacoustique et de musique acousmatique issue du fameux sérail du GRM Manco, Bernard Parmigiani, qui nous a quitté donc vendredi dernier, donc le 21 novembre, à 86 ans. Voilà, donc quelqu'un qui a beaucoup compté aussi dans les musiques électroniques contemporaines hein, depuis les années 60. Hein, il avait intégré le GRM en 59. À la base, il était plutôt metteur en son et aussi en image. Il a été aussi mime. Et donc, il a été rattrapé au vol par Schaeffer, vu la qualité de son travail de traitement sonore. Il lui a proposé donc d'intégrer le groupe de recherche musicale et donc il a composé pas mal de très très belles choses. Je me souviens d'avoir été complètement scotché par la pièce La Roue Ferris notamment, qui était une pièce fin 60 début 70 de sa période un peu minimal répétitif, pratiquement une sorte de morceau de trance avant l'heure. Et là on écoutait une de ses pièces les plus connues en fait, pratiquement, enfin on peut dire ouais. Oui, De Natura Sonorum. Oui, qui est un de ses grands classiques aussi. Toute pièce que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans un beau coffret de l'INA GRM que l'INA avait sorti pour ses 50 ans en 2008. Enfin, pour les 50 ans de l'INA GRM. Coffret de 12 CD qui doit être encore achetable à une modique somme de quelques dizaines d'euros, 40 ou 50 euros. Les 10-12 disques sur le distributeur Metamkin. Voilà, donc je te remercie Phil en tout cas pour cette sélection et d'avoir pris des commandes. Tu t'es bien lâché. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu, j'avais plein de trucs en réserve et encore je me suis freiné. Hein. Et donc, juste pour vous rappeler aussi donc, le week-end de 3 jours à la Bascune, ce sera le week-end en 8, le week-end des trans, et il y aura aussi donc une crash. Je crois que les soirées s'appellent Fuck Trans, tout simplement. Oui. Direct, radical, voilà. Et c'est organisé par les gens effectivement de Crash Test, Crash War, machin. Au 48. Et ce sera au 48, ouais. Donc le vendredi et le samedi. En général, le samedi, c'est plus dur que le vendredi. Le vendredi, c'est plutôt musique expérimentale, on va dire, au sens assez large. Et le samedi, ça va plutôt taper dans les trucs hardcore, speedcore, et machin comme ça. En général, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, donc, peut-être que ça change. En général, assez tard, et ça finit aussi très très tard, ou très tôt le matin. Ou très tôt dans la soirée suivante. Enfin bon, bref. On se quitte donc avec une dernière pièce de Bernard Parmigiani. C'est un morceau des années 2000, hein, Inner Sounds, qui était sorti, je crois, sur une galette vinyle. C'est à l'époque où il se produisait aussi en concert dans des festivals de musique électronique. Il a collaboré aussi aux côtés de Philippe Samartis à peu près à la même époque. Voilà, donc RIP Bernard Parmigiani. Merci Phil, à bientôt, bonne nuit. Ciao, ciao.